dans la série 40 ans de faits divers extraordinaires, l'affaire Gournier. D'après un texte de Laurence Pervet, adaptation et récit, Denis Vernet. Lorsque les pompiers entrent dans la villa de M. et Mme Gournier, à Saint-Priest-en-Jarret, le mardi 30 novembre 1999, la télévision est encore en marche dans le salon. Sur le canapé, un homme, allongé, une plaie au crâne recouverte d'un sparadrap. Sur un fauteuil, une femme, assise. Sa tête repose sur un accoudoir. Ils ont l'air de dormir, mais André et Geneviève Gournier, 75 et 82 ans, dorment pour l'éternité. La mort s'est invitée chez eux. C'est la belle-fille qui a prévenu les secours. Une voisine l'a appelée car l'employé de maison a trouvé porte close et aussi les lampadaires extérieurs encore allumés. Quand la police arrive sur les lieux, elle procède aux premières constatations. Pas d'effraction, pas de traces de lutte ou de désordre. On remarque juste, dans la cuisine, une cocotte vide posée sur un brûleur à gaz ouvert, mais rien ne s'en échappe. On s'aperçoit vite que la gazinière est raccordée à une bouteille située au sous-sol, mais que cette bouteille est entièrement vide. Autre détail dans la maison, un fer à repasser, toujours branché, est posé sur un rideau en nylon. La fouille des poubelles ne donne rien, et on ne trouve aucune lettre qui pourrait établir la thèse d'un suicide. Quand Jean-Paul Gournier, le fils d'André et Geneviève, arrive sur les lieux du drame, il comprend tout et connaît le, ou plutôt les, coupables. Les champignons, bien sûr. C'est sûrement une intoxication alimentaire fatale causée par ces champignons que ses parents ont mangés le samedi précédent. D'ailleurs, sa mère lui avait téléphoné le dimanche pour lui dire qu'elle ne se sentait pas bien. Pourquoi l'appeler lui et pas un médecin? Mais parce que Jean-Paul Gournier est un médecin réputé, chirurgien, pour être tout à fait précis. Et comme son père venait d'avoir un accident de voiture, ce qui explique la blessure au crâne, Jean-Paul Gournier était passé dans la soirée de dimanche pour soigner la plaie à la tête de son père et rassurer sa mère. Et pour être vraiment sûr que tout allait bien, il était repassé le lundi matin pour leur faire une prise de sang et demander des analyses, histoire d'en avoir le cœur net avec ses fichus champignons. D'ailleurs, les prélèvements sanguins, il n'a pas encore eu le temps de les donner au laboratoire et il les a là, avec lui. Et Jean-Paul Gournier confie les prélèvements aux médecins présents sur les lieux. Et sur la base de ces éléments, les policiers quittent tranquillement la villa sans autre vérification ni pose de scellé, convaincus qu'il s'agit bien d'une intoxication alimentaire causée par des champignons. Il n'y a pas d'affaire Gournier. Pour le moment. André et Geneviève Gournier n'ont pas été les seuls à manger les fameux champignons le samedi précédent. Et quand les enquêteurs se rendent chez leurs amis, ceux qui ont partagé le même repas, ils constatent que ceux-ci n'ont pas été indisposés et encore moins intoxiqués par les champignons. On ouvre alors une information judiciaire pour rechercher les causes de la mort et deux médecins légistes procèdent à l'autopsie des corps. On ne trouve rien. Pas de traces d'intoxication, ni aux champignons, ni aux gaz, pas plus qu'aux somnifères ou aux antidépresseurs qui accréditeraient la thèse d'un suicide. On interroge l'entourage du couple et on découvre que les époux Gournier ne s'entendaient pas. Geneviève est décrite par les témoins comme une maîtresse-femme qui ne supportait pas les infidélités répétées de son mari. Il est vrai qu'André Gournier, ancien ingénieur et chef d'entreprise, était connu depuis toujours comme un homme qui aimait la vie et tous ses plaisirs. À tel point que sa femme l'avait fait suivre par un détective privé qui lui avait révélé le pire, André fréquentait une prostituée. Et en plus, comble de l'humiliation, il l'avait amenée au domicile familial en l'absence de Geneviève. Dans une cassette retrouvée par ses enfants, on entend toute la détresse de Geneviève et sa haine envers son mari. Et ses amis le confirment. Geneviève était d'une jalousie obsessionnelle et elle disait à tout le monde en parlant de lui « Un jour, je lui ferai boire le bouillon de 11 heures. » Faire boire le bouillon de 11 heures à quelqu'un, c'est tout simplement l'empoisonner. Quant à André, il semblait plus sombre depuis quelques jours et il avait récemment confié à un ami « J'ai un début d'Alzheimer, mais je resterai maître de mon destin. » Était-ce une façon d'annoncer un suicide possible? Mais alors pourquoi venait-il de réserver une semaine au ski? Et en plus, il avait déjà versé un acompte. Étrange comportement pour quelqu'un qui aurait décidé d'en finir, non? Et si c'était plutôt Geneviève Grenier qui avait assassiné son mari infidèle avant de se suicider? Et s'ils avaient choisi de mourir ensemble? Toutes les pistes sont envisagées, mais des contradictions apparaissent. Ainsi, une amie de Geneviève affirme aux enquêteurs que, 2 jours avant sa mort, elle exultait car André avait enfin accepté le divorce.